Laitier de nuit, de Andrei Kourkov. Adaptation Julie Guichard. Réalisation Pascal Deux. Deuxième épisode. Fable politique et chimérique, où des dizaines de vies se croisent dans les recoins de l'hiver ukrainien, le laitier de nuit commence ici. Par une nuit d'hiver, dans les rues de Kiev, au coin d'un café, un pharmacien se fait assassiner. À l'aube de ce même jour, Irina, jeune mère célibataire à la poitrine gonflée, file à Kiev pour vendre son lait aux riches enfants de la nouvelle élite ukrainienne. Sur son chemin, elle rencontre Yegor. Semyon, patron d'une petite entreprise de sécurité, est lui découvert par sa femme, endormi tout habillé dans le salon, du sang sur la manche de sa chemise et aucun souvenir de la nuit passée. Et puis, il y a Dima, le maître chien des douanes de l'aéroport, qui se retrouve embarqué par deux bagagistes dans le vol d'une mallette contenant des ampoules d'un liquide inconnu. Il teste l'étrange substance sur son chat Mourik. L'animal s'écroule, reine mort. Et tout se complique. Il est impossible de suivre ces histoires. Une vie n'y suffirait pas. Mais au moins sait-on une chose. Par quoi tout a commencé. Kiev, rue Grouchevski. Le parc Mariinsky était tout entier recouvert d'un duvet de neige. Depuis une demi-heure, Irina ne se lassait pas d'en contempler la blancheur, rehaussée par le vert émeraude du palais qui s'apercevait derrière les troncs dépouillés. Le parc était désert, ses pensées se bousculaient, indociles, quand Yegor fit son apparition. Ah, vous voilà. Bah venez, je vous emmène déguster un bon café. D'accord. Vous enlevez pas votre manteau ? Non. Je suis bien comme ça. Comme vous voulez. Bonjour, qu'est-ce que je vous sers ? De café et de cognac ? Non, je ne peux pas. Vous buvez pas d'alcool ? J'ai une fille à 2-3 mois et je la nourris encore au sein. Ah. Alors, ça sera de café. Très bien. Une fillette de 3 mois et vous allez tous les jours au travail ? Mmh. Bah, qui reste pour la garder ? Votre mari ? Non. Ma mère. Je n'ai pas de mari. Je l'ai viré. Et puis, ce n'était pas vraiment un mari. Vous habitez à Lipovka ? Oui. Moi aussi, je suis né dans ce coin, vers Kodra. Ah. Mais j'ai grandi ici, à Kiev. D'où vient votre manière de parler ? J'ai fait mes études à Kiev. Et puis, j'adore regarder la télé. Maman me disait tout le temps quand j'étais petite, « Répète tout à haute voix en imitant la télé, c'est comme ça que tu apprendras le beau langage. » Et voilà. Merci. Merci. Ça réchauffe. Mmh. Et où travaillez-vous ? Je suis nourrice. Quand je n'aurai plus de lait, je chercherai un autre emploi. Vous n'avez pas une profession très courante. Excusez-moi. Près de la maison des officiers. Il y a là une femme enceinte en manteau noir qui tourne en rond du côté du belvédère. C'est peut-être celle d'avant-hier qui voulait se tuer. Ok, compris. Surveille-la. J'arrive dans un instant. Vous devez partir ? Je vous accompagne. D'accord. Yegor et Irina quittèrent la chaleur du café pour le froid du dehors. Tout en foulant la neige durcie en une croûte qui craquait sous le pas, Irina reboutonna son manteau et remit son fichu en place. Comme elle s'était sentie mal à l'aise, assise à la table sans avoir ôté son manteau. Avant, oui, elle pensait qu'il fallait toujours prendre soin de soi, et elle avait pris soin d'elle du mieux qu'elle pouvait. Jusqu'au jour où Mikhail Yakovitch, son ancien instituteur l'avait entraîné chez lui. Pour lui montrer de vieilles photographies, avait-il dit. Et tout s'était terminé par du vin, du chocolat et un divan. Il ne lui avait rien appris. Il s'était contenté de lui coller un devoir à la maison, pour de longues années à venir. sa fille, Yasia. Ses pensées se tournèrent vers Yegor. Il faudrait qu'elle s'offrît quelque chose d'un peu plus à la mode, mais avec quel argent ? Pour son lait, elle touchait 60 hryvnias par jour. Moins le transport, la nourriture et les dépenses pour Yasia restaient zéro. Reste zéro. Zéro tout rond. Je pourrais demander une augmentation à ma chef. Disons, 75 hryvnias par jour. Irina recalcula son budget et trouva qu'au bout d'exactement 3 semaines, elle serait en mesure d'ôter son manteau dans n'importe quel café sans éprouver le moindre embarras. Kiev, rue Reiterskaya, appartement numéro 10. Se sentant à son aise chez Véronica, Daria Ivanovna se relâcha. Elle pleura son défunt mari, pharmacien de son état, se plaignit de son sort, loua le café préparé par la maîtresse de maison. Ça m'a fait du bien de parler avec vous. On entendit la porte d'entrée. Il faut que je vous laisse, Véronica. Oh, oui. Oui, votre manteau. Oui. Revenez quand vous voulez. Avec plaisir. Bonjour. Bonjour. Excusez-moi. Au revoir. Au revoir. Au revoir. C'était qui ? Tu sais, c'est la femme du pharmacien. Celui qui a été assassiné. Le jour où t'es rentrée au petit matin. Moi, j'avais fait sa connaissance par hasard. Je suis sortie juste au coin de la rue. Elle avait planté un clou dans le mur, là où on a tué son mari. Mais le garçon du café voulait l'empêcher d'accrocher sa couronne mortuaire. Enfin, ça risquait de faire peur aux clients. Et alors ? Bah, elle s'est arrangée avec le patron, je crois. Les jours de semaine, la couronne reste accrochée et les jours fériés, elle doit l'enlever. Mmh. Cette nuit-là, une force mystérieuse contraignit Semyon à se lever à 1h du matin, puis à sortir dans la rue malgré la neige. Il progressait à petits pas prudents, s'efforçant de ne pas glisser. Au bout d'une centaine de mètres, cependant, il dérapa et s'effondra de tout son poids, se heurtant la cuisse contre une marche recouverte de verglas. Il resta un instant accroupi, à frotter l'endroit meurtri à travers son jean, puis il reprit sa descente. Au matin, quand Semyon se réveilla chez lui, Véronica remarqua l'énorme bleu qui décorait sa cuisse. Mais où est-ce que tu t'es fait ça ? Je sais pas. J'ai dû me cogner à un coin de table. Pardon. Véronica ? Oui ? C'est Daria. J'ai un service à vous demander. Oui ? Hier soir, je n'ai pas eu le temps d'ôter la couronne mortuaire. Vous habitez tout près. Vous pourriez vous en charger à ma place ? Mais qu'est-ce que j'en ferai ? Vous n'avez qu'à la garder chez vous. Je passerai la reprendre lundi matin. D'accord. À lundi. Une fois seul, Semyon resta un long moment à examiner son bleu. Qu'est-ce que c'est que ça ? Aéroport de Borispol. Le service de Dima s'achevait à 9h du matin. La nuit s'était écoulée sans incident, restait encore un vol, puis ce serait la fin de son tour de garde. Mais avant de partir, son talkie-walkie retentit. Le directeur lui demandait de passer le voir. Vous vouliez me voir, monsieur le directeur ? Ah, Dima. Dis-moi, le 12 au matin, c'est bien toi qui étais de service ? Oui. Un bagage a-t-il été retenu chez nous ce jour-là ? Non, je crois pas. Si on a confisqué quelque chose, il doit y avoir un procès verbal. Ah bah. Petite valise noire en plastique de marque Smart Case. Elle a été enregistrée sur le vol du matin pour Vienne, mais n'est jamais arrivée à l'aéroport de destination. Ça ne te rappelle rien ? Non, il n'y a eu aucune valise saisie pendant mon service. Je vois. Dans ce cas, c'est un coup des bagagistes. C'est bon, tu peux te retirer. Quand il entra chez lui, Dima avait le ventre noué. Sur le rebord de la fenêtre de la cuisine, Valia avait posé une photographie encadrée de Mourik le chat avec une bande de papier noir collée dans un coin en bas. Cette ambiance de deuil commençait à lui taper sur les nerfs. Se rappelant sa conversation avec le directeur, il se représenta tout à coup une perquisition effectuée à l'improviste chez lui, dans la maison et dans le garage. Boris, c'est Dima. Oui. On doit se voir de toute urgence. Je peux passer, mais seulement ce soir. Quoi, pas avant? Non, impossible, je suis au boulot. Bon, d'accord, à ce soir, sans faute, hein. Dima dégagea la photo du chat de son cadre et la glissa dans la poche intérieure de sa veste. Bon. Ce jour même, il achèterait au marché aux oiseaux à Kiev le même animal exactement. Il en achèterait un, le rapporterait à la maison et laisserait à Valia le soin de jouer au jeu des sept erreurs. Tous les chat-gris étaient semblables. Tous aimaient se goinfrer et se prélasser en observant d'un œil amoureux leur maîtresse préparer la nourriture. Après un peu moins d'une heure à déambuler dans le marché aux oiseaux, Dima était crevé. En guise de félidés domestiques, il ne se vendait là que des chatons, pour la plupart de races nobles et hors de prix. Il alla faire un tour du côté de la ligne de tramway, au-delà de l'enceinte du marché, et se retrouva finalement devant une femme au pied de laquelle plusieurs chatons gris se blottissaient dans un panier sous un morceau de couverture. Moi, c'est d'un grand gris que j'aurais besoin. Grand comment ? Grand comme ça. J'en ai bien en vue de chat gris. Qu'appartient à personne. Je le nourris régulièrement comme j'habite au rez-de-chaussée. Comment il s'appelait le tien? Et il avait deux noms. Pour ma femme, c'est Mourik et pour moi, Mourlot. Mais l'important, ce serait qu'il réponde à Mourik. Il répondra à n'importe quel nom pour un bout de poisson de saucisson. Reviens dans une semaine. Le temps que je le prenne chez moi et que je l'habitue à son nouveau nom. Et ça va me coûter combien? Ben, le prix normal. Plus le saucisson et la bouffe en général. Allez, 50 rivnias. Ah, quand même. C'est d'accord. Dima acquiesça, nota le numéro de téléphone de la femme et rentra chez lui. Vers 7 heures, quelqu'un frappa du poing à la porte. C'était Boris. Ils se rendirent au garage. Dima raconta au bagagiste la brève conversation qu'il avait eue avec le directeur de la douane. À tourner autour. Ouais, peut-être bien qu'ils savent ce qu'il y a à l'intérieur. Tu sais quoi? Je vais balancer cette valoche près de l'enceinte de l'aéroport, pas loin du terminal. Mais... s'ils sont encore curieux, ils n'auront qu'à chercher là-bas. Allez, passe-moi la mallette. Attends, j'en ai assez de cette histoire. On partage la marchandise en trois et chacun s'occupe de sa part. C'est que tu vois, j'ai déjà joué les idiots une fois. Je me suis pointé à la pharmacie à Kiev avec une ampoule. Mmh. Et j'ai demandé à un type de vérifier à quoi ça servait. Ah, et alors? J'ai dit que je l'avais acheté au marché comme médoc contre le cancer. Oui, bon, et alors? Quoi? Et alors? Bah, il... Et alors rien. Il a cassé le bout de l'ampoule, il l'a reniflé, il a versé une goutte sur une lamelle de verre pour l'examiner à la lumière. Mmh, et? Il a haussé les épaules en disant que ça ressemblait plus à un corps vitré qu'à un remède contre le cancer. Un corps vitré? Oui, ben, j'en sais rien, moi. Bon, on partage. Ça va, d'accord, on fait comme ça. Boris emporta avec lui les deux tiers des ampoules, sa part et celle de Genia. Dima referma la porte derrière lui. Il se versa un verre d'alcool, l'avala d'un trait et baissa les yeux vers le sol où sa part de boîte d'ampoules s'alignait sur une feuille de journal. Kiev, rue Grouchevski, centre de nutrition. Une fois la poitrine d'Irina soulagée, Vera, l'infirmière, lui tendit deux écuelles de gruau d'avoine sucrée. La porte d'entrée claqua soudain. Deux hommes en combinaison verte venaient de pénétrer dans l'appartement, porteurs d'un grand bidon de lait. Ils le déposèrent au pied du mur et ressortirent. Qu'est-ce qu'il y a là-bas derrière? C'est pour les clients. Toi et moi, nous sommes le petit personnel, nous n'y avons pas accès. Oui? Oui, ils l'ont livré. Pas possible. Bon, très bien. Irina, les gardes du corps de la directrice se sont fait agresser, ils sont tous les deux à l'hôpital. Et maintenant, il n'y a plus personne pour trimballer ce bidon jusqu'au cabinet de soins. Tu peux m'aider? Bien sûr. Tiens, mets cette blouse. Sans ce truc-là, impossible d'aller nulle part. Irina et Vera soulevèrent et reposèrent le bidon une bonne vingtaine de fois avant de parvenir enfin à la double porte. Vera ouvrit un des battants et elles le traînèrent tant bien que mal à l'intérieur de la pièce. Celle-ci était entièrement carrelée de faïence bleue et renfermait une sorte de baignoire à usage médical, avec pupitre de commande sur le flanc extérieur, boutons, levier, loupiottes de toutes les couleurs. Irina n'en avait jamais vu de pareil. À la troisième tentative, elles réussirent à verser tout le lait dans la baignoire. Pourquoi ? Pourquoi doit-on verser le lait là-dedans ? C'est du lait de chèvre, pour les soins. La directrice, où est son bureau ? Là, en face de la salle avec la baignoire. Nelly Goevna. Qu'est-ce que tu veux ? Il est interdit de venir ici sans y être invité. J'ai une demande à vous faire. Je t'écoute. Vous ne pourriez pas m'augmenter un peu ? Ne serait-ce que de, disons, 70 hryvnias. Tu touches déjà presque 400 dollars, ça ne te suffit pas ? Si, mais pour le transport, je dois... Et ta nourriture, tu l'as compté ? En l'espace d'une heure, je trouverai une femme prête à venir ici pour moins que ça. Compris ? Irina sortit sans même dire au revoir à Vera. Dehors, il neigeait toujours. Le jour déclinait déjà. Le crépuscule d'hiver soulignait l'aspect féerique des réverbères, à moitié effacé par les flocons voltant dans les airs. Irina traversa la chaussée en direction du parc et entendit une voiture klaxonner tout près. Région de Kiev. Kanchazaspa. Le froid qui régnait ce samedi-là était vivifiant. Pourtant, Semyon, lui, ne se sentait pas frais du tout. C'était son vieil ami Volodka qui était au volant de la Niva. J'ai quelque chose à te demander. Quelque chose de délicat. Faudrait suivre quelqu'un pendant une nuit ou deux. Un homme ? Une femme ? Un homme. Très bien. Il faudrait commencer quand ? Demain, aux alentours de minuit. Tu me fileras une photo ? T'en auras pas besoin, tu le connais. C'est l'un d'entre nous ? Oui. Dis son nom. Ça doit rester entre nous. Hein. Le fait est que... Ben, je t'écoute. Ces derniers temps, il m'arrive des trucs bizarres. Je voudrais te demander de me prendre en filature. T'es sûr que tu vas bien ? Si j'allais bien, je m'adresserais pas à toi. Alors, t'acceptes ? D'accord. Dans l'immeuble en face du mien, au premier étage, il y a une lucarne qui donne sur la cage d'escalier. Il y fera plus chaud que dehors. Poste-toi là à partir de minuit. Et si je sors pendant la nuit et que je fais un truc louche, arrête-moi. Par la force, s'il le faut. Il ne restait qu'une dizaine de kilomètres jusqu'au lieu de la promenade à ski. Semyon connaissait déjà deux des skieurs. L'un était Gennady Ilitch, l'autre, un député d'opposition qui aimait donner des interviews à la télé. Poste-toi en haut du virage. Ils allumèrent leur talkie-walkie et se répartirent sur le périmètre de la zone. Le travail ne serait pas compliqué. Dès que le jour commencerait à décliner, les skieurs réfréneraient forcément leur ardeur sportive pour passer à table. On boirait de la vodka, on mangerait des chashliks et on parlerait d'argent. Celui de l'État et le sien. Deux notions qu'on avait régulièrement tendance à confondre. Vous n'avez pas promis une belle journée ? C'est mienne ! Oui, monsieur Lynch. On va chez moi. Je vais encore montrer quelque chose à mes amis. Très bien. Gennady Ilitch entraîna tout le groupe par un sentier bien dégagé qui contournait le bâtiment. Là, il n'y avait plus aucune lumière. La neige, dans le crépuscule, paraissait grise et les troncs des arbres d'une noirceur d'aquarelle. Attendez, mes amis. Gennady Ilitch empoigna un levier d'interrupteur qu'il releva d'un coup sec. Les projecteurs illuminèrent par trois côtés une église de briques rouges couronnée de trois dômes d'or. J'inviterai tout le monde à la première messe, c'est promis, mais... Pour l'heure, buvons à Dieu. Allez, puisse-t-il ne jamais nous abandonner. Semyon ne put s'empêcher de sourire au spectacle de ces bons hommes bien en chair, chacun en tenue de ski, buvant du cognac dans des gobelets en plastique au milieu d'une église, à la santé de Dieu. De retour en ville, Volodka raccompagna Semyon chez lui. Alors, on dit quoi? Demain à partir de minuit? Ouais, à demain. Borispol. À l'aéroport, le service de Dimas s'était déroulé on ne peut mieux. Chamil avait repéré dans un sac la présence de 200 grammes d'opium. Un procès-verbal avait été dressé et le passager alpagué sur le champ. Son chef l'avait alors félicité et Dimas en était senti rassuré. Il composa le numéro de la femme au chat. Allô? Oui, bonjour, c'est pour le chat. Ah, le Mouric? Je peux passer? Ouais, il est prêt. Rejoins-moi au même endroit que l'autre fois. Elle occupait la même place que la fois précédente. À ses pieds reposait également le même panier. Mais à côté du panier, il y avait un sac gris. Il est à toi. Quoi, le chat est dans le sac? Ce sera juste un peu plus cher que prévu. Combien? 75 rivnia. 75? À ce prix-là, je pourrais boire du cognac français. Bon. Mais ça va pas du tout, il est énorme, il pèse 200 kilos. Bah oui, il bouffe comme 4. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai augmenté le prix. Mais il a rien d'achat de gouttière. Attends, tu vas voir. Mouric, Mouric. Ah bah merde, alors il vous obéit. Tu vois, j'ai passé la semaine à le dresser. Ah. Mourlot? Prends-le, il y en a pas d'autres comme lui. Avec le sac? Ah ouais, c'est cadeau. Bon. Tenez. Allez, viens, Mouric. Dimas se dirigea vers la sortie du marché aux oiseaux. Son humeur avait tourné allègre. La bête pesait plus de 10 kilos. Personne ne pouvait éprouver de pitié pour un chat pareil. Personne, et d'autant moins Valia. Il résolut de laisser le chat quelques jours sans manger, enfermé dans le garage jusqu'à ce qu'il eût maigri. Ensuite, il pourrait l'amener à la maison. En rentrant chez lui, Dimas aperçut une annonce collée sur un poteau. Vend médicaments contre le cancer, produit d'importation, une ampoule 20 ml. Appelez le 86343 et demandez Genia. Tiens, Genia se lance dans l'escroquerie. C'était L'étier de nuit de Andrei Kourkov, avec Sophie Doll, Frédéric Pierrot, Olivier Clavry, les narrateurs, et Clara Noël, Émeric Le Serre, Fabrice Pierre, Valérie Moinet, Robinson Stévenin, Emeline Bayard, Norbert Ferrer, Lara Brulle, Christian Driot, Olivier Cruveillé, Luce Mouchel, Bruno Abraham Kremer, Béatrice Champagné, Dominique Parent, Martine Legrand, Ariane Blaise, Damien Ledélésir, Farid Bouzenade, Christine Braconnier, Pierre Carbonnier, Sylvain Gauthier, Garance Lebars, et les voix de Jean Ocotrel et Pauline Moulin.